Bienvenue dans le deuxième épisode de Meugès Podcast. Si tu n'as pas écouté l'épisode 1, tu risques de ne pas comprendre grand-chose, car les épisodes se suivent et tu vas te spoil. Je pense que t'as deviné ce qu'il te reste à faire. Ah, et abonne-toi au compte Instagram du podcast que tu trouveras en description afin de vivre pleinement l'aventure. Bonne écoute! Que décides-tu? Vas-tu rester avec tes compagnons? Ou décider de fuir malgré le risque et continuer ton chemin seul vers la sortie? Ces deux abrutis ont bien l'air décidés à comprendre ce qui se passe ici. J'ai détecté des présences hostiles à la sortie du temple. Seul, tu n'as pas beaucoup de chances de t'en sortir. C'était ton troisième compagnon qui t'envoie un message vocal privé à distance via ton oreillette. Ces mots résonnent en toi comme une providence, la promesse d'un destin tragique. Tu prends alors conscience que sortir d'ici toute seule t'apporterait, au mieux, rien. Au pire, la mort. L'environnement extérieur est dangereux et tu ne le maîtrises pas. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ta survie n'est pas assurée, même une fois sortie du temple. Et puis la curiosité est trop forte. Tu restes donc avec tes compagnons. Tu rentres dans la pièce. Une sensation agréable de sécurité t'envahit. Le stress se fait de moins en moins présent dans ton esprit. Tout est calme ici. Comparé à ce que tu as vécu quelques minutes plus tôt, c'est le jour et la nuit. Vous restez un petit moment tous les trois, sans voix, devant le gigantesque cristal au milieu de cette pièce sombre. Petit à petit, les bruits de pierres qui s'écroulent se font de plus en plus lointains dans le temple jusqu'à s'étouffer. Au bout de quelques instants, l'un de tes compagnons brise le silence. Vous imaginez la thune qu'on pourrait se faire si on embarquait ne serait-ce qu'un dixième de ce gros diamant avec nous? J'y crois pas, Jonas. Y a vraiment que ça qui t'intéresse, hein? T'es revenu sur tes pas par pure cupidité? Ah ouais? Et la raison pour laquelle tu... Et pour laquelle... Tu commences à les connaître, ces deux-là. Et ça ne t'étonne pas du tout que ce soit déjà le bordel. Tu les laisses se chamailler comme des gamins et admires la fille à l'intérieur du cristal. Elle a le teint hâlé, la peau mate. Elle paraît même dorée avec les reflets de la lueur du joyau. Ses cheveux longs et volumineux couleur noisette semblent dessiner des boucles parfaites. Elle a de grands yeux, légèrement en amande. Ils sont fermés. Elle est en position debout, dans le cristal. On a l'impression qu'elle lévite à l'intérieur de celui-ci. Car sa tête ne touche pas le haut du cristal, et ses pieds joints ne reposent pas sur le sol. Tu te demandes comment c'est possible. Ses bras et ses mains sont ouverts, disposés de chaque côté de son corps, à quelques centimètres de ses hanches. La jeune femme se trouve pile au milieu du diamant. La symétrie est totale, ce qui donne à cet ensemble un côté très artistique. La jeune femme a l'air plongée dans un sommeil paisible. Sa bouche fermée est légèrement pulpeuse. Elle a un corps mince mais loin d'être fragile. Ses muscles et abdominaux sont dessinés. Elle semble avoir à peine plus d'une trentaine d'années. Cette femme est active, sportive, non, plus que cela, puissante. Tu sens comme une aura, celle d'une combattante. Diverses cicatrices plus ou moins grandes et profondes parcellent son corps. Bras, cuisses, jambes, elle en a même quelques petites sur le visage. Cela ressemble à des cicatrices de combat. Ça n'enlève rien à sa beauté. Au contraire, ça ne fait que la renforcer. Comme si le moindre défaut de son corps participait à renvoyer cette image de perfection hors du commun qui te donne tant de mal à détourner le regard. Tu es subjugué par la scène. Le cristal paraît délicat, froid, mélancolique. Mais il renferme ce qui semble être une guerrière, flamboyante, lionne, d'une incroyable beauté et surtout d'une incroyable force. Quand tu t'approches du joyau, tu as l'impression d'entendre directement dans ta tête des bruits de combat, des fers d'épée qui s'entrechoquent, des bruits de guerre d'une époque lointaine. Tu as très envie de le toucher. Tu as d'ailleurs déjà approché ta main. Thank you. arrêter parce que j'étais au bout de ma vie. Deuxièmement, concernant le cristal, c'est de la pure curiosité scientifique. Non mais, tu crois tromper qui ? Les gars ! Espèce d'escroc ! Les gars ! Vos gueules ! Cette phrase te sort de ta rêverie, te faisant sursauter au passage. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette femme. La seule piste que j'ai est qu'il s'agirait d'une déesse. Ou presque. J'en suis pas sûre. Donc, au lieu de faire les mioches, et avant de toucher à quoi que ce soit, détaillons cette pièce. On va avoir besoin de ton expertise, l'aventurière. C'est quasi du mandarin, ça, pour nous. À ces mots, tu acquiesces. Pas le moment de rêver. Au travail. Il fait noir ici. Tu sors de ton sac à dos une lampe torche et examines les murs. Ils sont remplis de symboles. Tu es plus à l'aise que tes compagnons pour les comprendre et les déchiffrer. En effet, dans ton cursus d'archéo, tu as une spécialisation en épistémologie et ethnologie, c'est-à-dire l'étude des sociétés anciennes et disparues. Tu as fait ta thèse sur les civilisations mayas. Eh oui, tu es docteur mayaniste avec de solides connaissances en épigraphie. Ça tombe bien, puisque vous vous trouvez dans un temple situé sur le site du Tikal, ancienne cité maya dans une région appelée El Petén au nord du Guatemala. Vous êtes à la recherche de 6 reliques, 6 offrandes légendaires aux dieux mayas recherchées depuis des décennies. Certains se demandent si elles existent vraiment. D'aucuns disent qu'elles ont été détruites ou perdues à jamais. Elles ont une valeur inestimable. Les deux hommes qui t'accompagnent sont des archéologues renommés pour leurs découvertes. Leur carrière est en plein boom, c'est-à-dire qu'ils sont en train de connaître succès et richesse. Tu les as plusieurs fois vus passer dans des revues spécialisées et même à la télévision. Mais ce n'est pas comme ça que tu les as découverts. Vous étiez dans la même faculté et avez même fait quelques cours ensemble. À l'époque, c'était deux zigotos complètement immatures qui passaient leur temps à faire la fête. Tu te demandais même comment ils faisaient pour réussir leurs examens qu'ils validaient avec tout juste la moyenne. Tu n'as pas eu de grandes affinités avec eux. Tu leur as à peine parlé pendant tes études. Et par la suite, vous vous êtes perdu de vue. Jusqu'au jour où tu es toi-même passé dans un article d'un journal ultra spécialisé. En réalité, il y a 7 reliques en tout. Tu en as découvert une lors d'une expédition au Mexique il y a quelques années. Une partie de ta thèse était consacrée à ce trésor. Cette découverte t'a valu une interview dans le magazine L'Archéo Explorateur. Les deux hommes l'ont lu et t'ont alors contacté pour demander à avoir accès à tes recherches. Ils se souvenaient à peine de toi. Ils t'ont expliqué qu'ils avaient l'ambition de trouver les 6 autres reliques, t'ont proposé de prendre part à l'expédition, car jusque-là, ils n'avaient jamais exploré de cité maya. Et te voilà maintenant, prise au piège avec eux, dans un temple guatémaltèque vieux de plusieurs centaines d'années. Vous explorez chaque recoin de la pièce, chaque parcelle de pierre est passée au peigne fin. Après un bon moment d'exploration et d'interprétation, tu te tournes vers le compagnon le plus proche en t'écriant. Thomas, viens voir ça. Thomas est le compagnon qui était à la traîne pendant la course dans le temple. Il s'agit d'un grand, mince, limite maigre, aux traits caucasiens qui laissent difficilement deviner ses origines arméniennes. Il a de longs cheveux, lisses, noirs, souvent attachés. Il est rasé de près et habillé en majorité de noir. Il a quelques bijoux, petits, mais suffisamment voyants pour être remarqués. Bracelets, colliers et boucles d'oreilles en argent. On voit la fin ou le début, on ne sait pas trop, d'un tatouage sur le côté gauche de son cou. On devine que le tatouage continue sur son corps, mais il est difficile de bien discerner le motif. Les colliers épais qu'il porte au cou empêchent de bien voir. Son look reste quand même suffisamment confortable pour être adapté à la situation. Du haut de ses 29 ans et 1m90, il a un tempérament calme et, quand il veut, il dégage même un certain charisme. Alors que tu l'appelles et l'invites à venir voir plusieurs glyphes, l'autre compagnon vous rejoint. Tu leur expliques ta théorie. Tu es formel. Il y a une énigme à résoudre dans cette pièce. Et tu paries que c'est pour libérer la fille. Vas-tu réussir à résoudre l'énigme ? J'espère que tu as apprécié le deuxième épisode de Meugès Podcast. L'énigme dont il est question ici fera l'objet de mon prochain post Instagram. Je t'invite à venir voir de quoi il s'agit sur mon compte. Viens aider la communauté à résoudre l'énigme. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, liker, noter, partager, commenter. C'est ce qui fait connaître l'aventure et la fait vivre.